je te dis pardon du fond de mon cœur. Avec affection, tu parles à toute heure. Et pour mes ronchons, pardon vraiment de tout cœur, de tout cœur. Comme David.